si je t'aimais si fort encore, c'est que dans mon corps battait ton cœur à te voir si pâle. Dans cette mémoire de pâle, un livre à la main pour une prière sans fin, afin que cet amour illumine la terre entière. Mais si je t'aimais si fort encore, c'est qu'à ce feu brûlant, le temps agonise lentement. Une yeux toujours plus incandescent de cette flamme esquisse, irradiant tous nos instants jusqu'à l'heure qu'on sort en passion muette. Je t'aimais si fort encore, bien plus fort que nos blessures qui saignent encore, et plus fort que l'ombre laissée par les remords, que le noir incandescent de cette vallée d'oubli où tu te replies pour oublier notre histoire. Si je t'aimais si fort, c'est que dans mon corps battait ton cœur de te voir si pâle dans cette mémoire de pâle. Un livre à la main pour une prière sans fin, afin que cet amour illumine la terre entière. Oh.